l'accent, je vais capituler. Je me parlais encore, je minimisais. Aujourd'hui, nous voilà, je traumatisais. Oh yeah, yeah. Tu ne voulais pas m'écouter, t'es désolé. Aujourd'hui, tu perds, t'es désolé. Aujourd'hui, c'est fini, t'es désolé. T'es désolé. Trop de larmes ont coulé ce soir. J'étais love, love, love de toi. J'étais love, love, love de nous. J'étais love, love, love. J'ai mal, tu ne vois même pas. J'ai mal. Je souffre, tu ne vois même pas. J'ai mal. Moi j'ai mal. Ouais. J'ai mal. Moi j'ai mal. J'ai mal. J'ai mal, tu ne vois même pas. J'ai mal. Je souffre, tu ne vois même pas. J'ai mal. Secret, je veux comprendre. Emmène-moi lentement dans ton jardin secret, je veux comprendre. Mon cœur a mal, ma tête est déjà loin. Je crois bien que je suis dans un truc sans fin. Tu sais quoi, laisse tomber. Tu sais quoi, laisse tomber. Tant de larmes ont coulé ce soir. J'étais love, love, love de toi. J'étais love, love, love de nous. J'étais love, love, love. J'ai mal, tu ne vois même pas. J'ai mal. Je souffre, tu ne vois même pas. J'ai mal. Moi j'ai mal. Ouais. J'ai mal.